Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Car pour être à vous, faut être à moitié fou. Thank you. révolution. Des tentations révolution. Complexity. Serendipity. Thank you. as the way to humanity. Thank you. personne. The mother makes when the baby breaks. But the mother makes one. The baby breaks. But the father makes. Thank you. enchaîné comme des humains. Au son, aux vibrations, nécessaires vibrations. Thank you. dissonance cognitive. Les valeurs affichées. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas de liberté, pas de liberté. De moins en moins. Atomisé dans son coin, chaque jour plus seul. Derrière son Black Mirror, c'est Black Mirror, c'est Black Mirror. Chaque jour, un peu plus poussé. Déni de réalité. Les ancêtres, son histoire, son territoire. Mais on y retourne. Par la pensée, on y retourne. Par la pensée, on y est. Par la pensée, on y est. On y est, on y est. Par la musique, notamment. Reconnexion aux sensations, aux vibrations. À la vérité. Oh,

The force. The force. We are. Apparence. À travers les océans, le temps et l'espace, nous traversons navigateurs plus ou moins perdus dans l'immensité de la complexité de nos cités, plus ou moins perdues. Retrouvés sur une suite d'accords, reposés sur une ligne de basse, un truc de fou.